tout de suite sur France Culture une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, les entreprises après le Covid, une série de Rémi Dibowski-Douat réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a ce premier confinement qui nous a plongé dans un moment inédit et a mis toute l'économie à l'arrêt avant de nous obliger à inventer de nouvelles manières de travailler. Alors pour commencer, les personnages. Un délégué syndical déterminé, un économiste qui explique, des salariés lucides, un maire et une députée qui s'activent, un économiste qui dénonce, un technicien à la retraite et une sociologue déçue. Ensuite, le décor. La crise, la Silicon Valley bretonne, Lannion, des téléphones, des plans sociaux, une crise sanitaire, des aides d'État, Morlaix, l'État actionnaire, une compagnie d'aviation, des marges et des contradictions. Aujourd'hui, premier épisode, on entre discrètement. De poubelles, ça gênera devant, personne. Devant les poubelles, et, là ouais, et puis bon, vous allez rentrer avec moi sur le site. C'est un peu compliqué de rentrer, en fait. En ce moment, ils nous emmerdent. En PSE, ils font tout pour bloquer, entre autres les journalistes. Alors, j'en ai déjà fait rentrer plusieurs fois. Ouais. Mais avec ma voiture, comme moi, je rentre direct, il n'y aura pas de problème. Même nos salariés, on a du mal à ce qu'ils viennent nous voir dans nos locaux syndicaux. C'est l'argument sanitaire qui sert. Depuis le PSE en particulier. Plan de sauvegarde de l'emploi. Plan de sauvegarde, mal nommé. Je suis Claude Josserand, délégué syndical central groupe CGT chez Nokia. La direction nous a annoncé fin juin un plan de 1233 suppressions d'emplois, essentiellement dans la recherche et développement, dont 833 sur le site de Nozay en Essonne et 402 sur le site de Lannion en Bretagne. Ce sont des emplois d'ingénieurs hautement qualifiés dans une entreprise qui, au dire même de notre direction, ne souffre pas de la crise du Covid. Les entreprises après la Covid. Plans sociaux quand la Covid a bon dos. Quelle est l'ambiance là alors? Un peu bizarre, alors morose évidemment, mais bizarre parce que 95% des salariés sont en télétravail. On les voit pas, donc c'est compliqué pour l'immobiliser. Enfin, je dirais plus que d'habitude. On s'est octroyé des droits de communication qu'on n'avait pas, à savoir d'envoyer des mails à tous les salariés de l'entreprise à travers la messagerie professionnelle. Mais comme de toute façon, on ne pouvait plus diffuser de tracts à la cantine, qu'on n'avait aucun moyen de communication avec les salariés, il fallait bien qu'on en trouve un. Bon, pour l'instant, ils ont un peu laissé tomber ça, PSE arrivant, parce que ça, c'était déjà des mois de mars, avril. Ils ont un peu d'autres chats à fouetter. Donc, sur la communication, c'est par mail. Bon, il y a des réunions d'équipe par les outils vidéo, mais voilà, c'est ça vaut pas le contact physique. On est un peu tombé de haut, mais avec le recul, on s'aperçoit que ce plan devait être quand même dans les tuyaux depuis pas mal de mois. Le Covid n'a pas peu touché les résultats de l'entreprise, au pire différé quelques investissements des opérateurs à 2021. Mais en tout cas, les résultats sont meilleurs que l'an passé. C'est ce qui ressort des chiffres du premier et du deuxième trimestre 2019. C'est d'autant plus incompréhensible, quoi. La R&D, c'était un peu la recherche et développement, le joyau de l'entreprise. Et on travaille essentiellement pour les nouveaux réseaux 5G. Donc c'est d'autant plus incompréhensible puisqu'il y a une accélération de la demande des clients pour développer ses réseaux. Le président Macron nous parle de souveraineté numérique. C'est en plein notre secteur d'activité. Et malgré ça, on a un plan catastrophique donc qui abaisserait de moitié les effectifs à Lannion, qui menace donc d'ailleurs la pérennité du site, et puis qui ici toucherait un tiers des effectifs sur Nozay, ce qui est énorme, et ce qui va poser des difficultés à l'entreprise pour sortir la 5G dans les temps où elle le souhaiterait. Nokia a racheté Alcatel en 2016 avec des engagements signés à l'époque par Emmanuel Macron, ministre de l'économie, sur pas mal de points qui n'ont pas été tenus. Il y avait le maintien des effectifs globaux des filiales en France pendant au moins 2 ans, ça n'a pas été tenu. Des engagements de développement en particulier dans des domaines comme la cybersécurité, ça n'a pas été tenu. Le seul engagement qui a été à peu près tenu, c'est d'amener les effectifs des salariés en recherche et développement à 2500. Mais à quel prix? C'est quand même au prix de 280 millions d'aides publiques, essentiellement de crédit impôt recherche, en 4 ans. L'entreprise perçoit, bon an mal an, 70 millions de crédit impôt recherche par an. Donc aujourd'hui, l'ensemble des organisations syndicales remet en cause l'utilisation de ces aides publiques, alors que l'entreprise est en train de licencier justement dans la recherche et développement, pour lequel le crédit impôt recherche était censé développer nos emplois. L'intersyndicale compte se saisir de cette question et d'aller sur le terrain juridique là-dessus, parce que c'est notre argent, c'est nos impôts, c'est l'argent des Français, et nous considérons qu'il est détourné quand il sert à, au final, payer des plans de suppression d'emplois. Le versement des aides publiques et du chômage partiel, en particulier, a certainement permis de réduire de manière extrêmement forte le nombre de licenciements à court terme et le nombre de plans sociaux. Maxime Combe, économiste. Cela pose simplement 2 questions. La première, est-ce qu'il n'y aurait pas fallu qu'il y ait des conditionnalités sociales, écologiques et y compris fiscales au versement de ces aides publiques? Et la deuxième question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir qui a bénéficié de quelle aide publique. Et pour quel montant et dans quel objectif? Donc on a toute une part de notre jeune population qui s'estime totalement trahie par Nokia, puisqu'on les a embauchés, on présentait Nokia comme l'entreprise où il faut être, on nous présentait tout un tas de services sur le site, etc., avec des promesses de carrière fulgurantes. Évidemment, nos jeunes collègues sont extrêmement amers et se retrouvent maintenant en première ligne des gens qui risquent d'être licenciés. Alors la crise sanitaire, ça a distendu les liens, parce que même si on utilise tout un tas d'outils numériques pour communiquer physiquement, on se voit très peu. Et lancer ce plan de suppression d'emploi alors que nous sommes toujours confinés chez nous en télétravail, on va dire que ça arrange bien la direction, parce qu'en tout cas pour communiquer avec nos collègues et les mobiliser, c'est évidemment extrêmement difficile. Mais c'est un plan social, je dirais, inédit pour nous dans ce contexte de crise sanitaire. Alors à Lannion, c'est encore plus dramatique certainement qu'en région parisienne, puisqu'il y a 780 salariés aujourd'hui dans l'entreprise. Si Nokia en supprime 402, l'entreprise passerait sous les 400, et chez Nokia, les sites de moins de 400, il est ferme. Bon, donc pour Lannion, c'est la menace de fermeture à brève échéance. Et dans le territoire du Trégor, c'est la plus grosse entreprise de technologie. Donc c'est avec des salaires beaucoup plus élevés que la moyenne de l'agroalimentaire de la région. Donc c'est sûr qu'économiquement, pour les Côtes d'Armor et le Trégor, ça a des conséquences fiscales beaucoup plus importantes qu'en Essonne. On a tout un tissu télécom qui avait été construit autour de Lannion, qui est en train de se déliter avec la fermeture, on va dire, programmée, si ce plan vient à terme, d'Alcatel devenu Nokia à Lannion. Quelques semaines après cette rencontre avec Claude Josserand sur le site de Nokia, le couperet tombe. Le plan social arrive à son terme en dépit de la mobilisation des salariés. 980 emplois sont supprimés en Bretagne et en région parisienne. Alors que la direction communique sur les opportunités de reclassement des salariés, les organisations syndicales rappellent que 40% des effectifs qui ont quitté l'entreprise lors du précédent plan de licenciement sont encore aujourd'hui sans solution pérenne. Au même moment, des chiffres tombent, sous forme d'un premier bilan national des conséquences sur l'emploi de la crise sanitaire. Depuis début septembre, on recense 35 000 suppressions de postes. Au total, la DARES compte 657 restructurations d'entreprises, deux fois plus que l'année précédente. Nous nous rendons en Bretagne, à Lannion, où le débat s'engage jusque dans la rue sur la déflagration sociale qu'annonce la crise sanitaire. Beaucoup de choses sont inventées là, vous avez vos écrans plats. Là. Et c'était ici. Hein. Moi, j'ai le premier écran plat. Chez moi, les trucs de laboratoire, vous avez vu. Ben, on se rend pas compte, mais tout ici, c'est beaucoup sont venus de Lannion parce que les ingénieurs étaient, c'était des sacrés mecs. Et puis il y avait Alcatel à côté, ça travaillait. Maintenant, c'est Nokia. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Je travaillais à France Télécom. À France Télécom, ouais, ben, du temps de la belle époque. On a tout développé ici. On a été surpris à Internet, les premiers mails. Ah bon, on veut recevoir ça sur l'ordinateur. C'était chez nous. Hein. C'est la Silicon Valley bretonne. Il y a énormément de matière grise. Si fermait Nokia, effectivement, on prendrait un coup dans le nez. Mais moi, j'y crois pas. Bon, l'État est là. Hein. Il lâche du pognon. Hein. Bon, on est bien content. Il faut voir que là, au moment de la crise, tout le monde était fonctionnaire. Hein. Tout le monde était fonctionnaire. Ça, il faut pas l'oublier. Et puis, on est en train de gueuler contre l'État. Ah, fonctionnaire, c'est des cons. Donc, l'État est là. Et on peut supporter pas mal, je pense. L'État, s'il veut, il peut. La preuve, je sais pas comment ils font, mais... Il y a des sous. Donc maintenant, c'est la politique. Hein. Maintenant, bon, je pense qu'on s'en sortira. Hein. Il y a une crise, mais il faut y aller. Hein. Quand vous avez une guerre, vous avez des bombes qui tombent, bon, ben, c'est pareil, qu'est-ce qu'on fait, hein. C'est vrai que la crise sanitaire, c'était pas prévu au programme. Donc c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas de crise sanitaire, est-ce que Nokia sera resté ou pas, ça, c'est... Parce qu'il y a des entreprises, c'est un peu vache, quoi. Ils ont dit « Ah, c'est crise sanitaire ». Mais non, mais non, mais non, c'est facile. C'est facile de dire ça. Donc, et puis bon, je pense que Nokia a été aidé par l'État aussi. Hein, donc il sera bien qu'il rembourse. Hein, pas le tout. Moi, là, je suis d'accord. Hein. On dit, vous venez, ok, d'accord, on va vous aider, créer des emplois, c'est bien. Bien sûr, ça relance la vie locale. Mais bon, vous partez, ok, on va vous rembourser. Moi, ça me semble logique. Mais c'est pas de la logique politique. C'est pas prévu dans les lois. Il n'y a qu'à faire une loi. Hein. Et finalement, c'est l'intérêt général qui est bafoué, mis de côté, puisque nous n'avons même pas, en tant que citoyens, en tant qu'observateurs de la vie publique, en tant qu'observateurs de la vie économique, les informations de base permettant de suivre comment l'argent public est dépensé. Et du coup, il ne faut pas se tromper. Ce retour de l'État, ce n'est pas le retrait des politiques néolibérales favorables aux seuls acteurs privés. C'est au contraire, finalement, un pas en avant supplémentaire dans la mobilisation des ressources financières et économiques de l'État au nom d'intérêts privés. En tant qu'économiste, j'ai été frappé au mois de mars et début avril que finalement le gouvernement était en mesure de débloquer des milliards d'euros d'un trait de plume et qu'au regard de cela, finalement, il y avait très peu d'informations qui nous parvenaient sur quelles étaient les entreprises qui allaient en bénéficier. Et donc, du coup, en reprenant la façon dont David Dufresne avait signalé les violences policières sur les réseaux sociaux, et avec son accord et ses conseils, j'ai commencé à essayer de faire le même type de travail sur les réseaux sociaux et de faire des « Allô Bercy », non plus une interpellation du ministère de l'Intérieur comme le faisait David Dufresne, mais une interpellation du ministère de l'Économie, sur des cas significatifs, simplement rencontrés au cours de mes lectures, de la presse nationale ou presse régionale, d'entreprises qui versaient des dividendes et en même temps recevaient des aides publiques. Cela a plutôt bien fonctionné, et au fil des aiguilles, on en est aujourd'hui à plus de 80 signalements. Nous avons décidé, avec l'Observatoire des multinationales, qui est donc du coup une structure qui travaille sur les multinationales françaises depuis des années, d'essayer de systématiser ce travail-là pour les 40 entreprises membres du CAC 40 et de généraliser les informations que nous avions sur l'ensemble des aides qu'elles pouvaient bénéficier et essayer donc d'en sortir des éléments un petit peu caractéristiques de la période et de la situation, et pour montrer finalement par l'exemple que ces entreprises privées, très jalouses de leur propre autonomie en matière de décision d'investissement, de rémunération des actionnaires, politique salariale, étaient finalement des entreprises très largement abreuvées d'aide publique sur lesquelles il n'y avait finalement aucune conditionnalité écologique et sociale. Sébastien Grandjean, vous êtes mécanicien. Je suis mécanicien. Vous êtes aussi syndicaliste. Je suis délégué syndical sur le site de Morlaix pour la CGT. Et là, on entend un avion qui ne doit pas être très loin de décoller. Alors, est-ce qu'une scène comme ça, dans quelques années, peut encore se produire sur l'aéroport de Morlaix? Alors, malheureusement, elle ne se reproduira plus, certainement pour des avions de la compagnie Air France et de Hop. Hein. Tout simplement parce que la fermeture du site de Morlaix, donc le site de Morlaix, un site historique d'Air France, hein, finalement. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ici? Alors ce qui se passe, c'est que donc on nous a annoncé dans un CSE extraordinaire que la compagnie Hop allait être restructurée. Donc dans le projet de restructuration de la compagnie Hop, ils ont inscrit que le site de Morlaix devait fermer. Donc, le site de Morlaix, c'est 276 emplois. Direct. Je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur un territoire comme celui de Morlaix. L'État a prêté 7 milliards à Air France dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. C'est 7 milliards qui, normalement, devraient être consacrés à la sauvegarde de l'emploi. Donc l'État, qui est actionnaire d'Air France, leur a demandé, suite à ce prêt, des contreparties. Donc, c'est là que c'est un peu contradictoire, c'est parce que dans leur contrepartie, ils ont demandé des contreparties écologiques. Donc ça, nous, on l'entend, hein, ça concerne quelques lignes de Hop qui sont programmées d'être supprimées parce qu'elles peuvent être réalisées en TGV en moins de 2h30. Donc aucun problème avec ça. La deuxième contrepartie, c'est étant donné que le Courcourrier était déficitaire et est déficitaire depuis des années, et on demande une restructuration du Courcourrier. Voilà. Donc on a l'impression chez Hop, c'est certainement une réalité, de payer le prix fort et d'être un petit peu la victime dans l'histoire. Et qu'en fait, la crise sanitaire, c'est une aubaine, comme pour beaucoup de patrons, hein, on constate chaque jour, hein, qui annoncent des plans sociaux, c'était une aubaine pour accélérer ce plan qui était déjà dans les cartons. En fait. Ok, ouais. J'ai le sous-préfet dans les minutes qui viennent et puis on se rappelle. Pour savoir si s'il a déjà quelques indications pour savoir où les débordements pourraient être prévus. Ok ? À tout à l'heure. Merci capitaine. Au revoir. C'est la tempête celle-ci, Alex, que vous craignez le plus ou la tempête des Morlaisiens qui n'auront plus de quoi travailler ? Les deux, mon capitaine. Le maire de Morlaix, Jean-Paul Vermont. Il y a une incompréhension qui vient. Qui était encore il y a quelques semaines une forme de résignation. Et puis là, les nouvelles s'empilant, on passe de la résignation à nouveau à la colère. Ça serait bien qu'on ait des décisions rapides, hein, pour que la pression redescende. Air France, on a un peu l'impression que quelquefois on joue le pourrissement. Allez, on va laisser les premières annonces du plan social arriver. On va voir comment ça réagit pas, on va laisser un peu les choses se dérouler encore un petit peu plus fort. Oh, ils ont un peu manifesté, on va les laisser. Je pense à mes concitoyens, ce que serait par exemple effectivement la fermeture du site d'Air France ici à Morlaix. C'est 276 emplois directs, c'est un millier d'emplois. Hein, indirect, directement concerné par la fermeture du site. 1000 emplois pour une ville comme la nôtre de 15 000 habitants, c'est un séisme. 1000 emplois indirects, plutôt de classe moyenne, hein, des salaires de classe moyenne. Ouais, c'est un séisme sur le territoire. Et c'est ce qu'on essaie aussi de faire prendre conscience au gouvernement, c'est que on a déjà un taux de pauvreté sur la ville qui est relativement fort. plus de 20%. Et c'est vrai qu'on se démène au quotidien, nos concitoyens se démènent au quotidien pour trouver des solutions et pour un certain nombre d'entre eux, juste de garder la tête hors de l'eau. Donc ce que laisse faire le gouvernement en n'imposant pas à Air France de maintenir des emplois, c'est que sociologiquement, ils sont en train de ronger une partie de notre classe moyenne, qui est celle qui fait vivre nos commerces, qui est celle qui a des enfants, qui participent à la vie associative. Donc il y a un caractère aussi inacceptable, et je ne parle même pas de l'impact sur les finances de la municipalité, de la perte des activités de Hop. J'étais avec un auditeur financier qui nous dit « Attendez-vous à perdre 80 000 euros par an ». On ne peut pas tout encaisser d'un coup, quoi. À un moment, il y a une responsabilité de l'actionnaire d'Air France, qui est le gouvernement, d'aménager un peu le territoire. Sinon, on va balancer des milliards et des milliards dans l'économie. Et vous savez ce qu'on vient d'apprendre dernièrement ? Que des lignes qui étaient faites par notre filiale Hop, elles sont désormais prises en charge par la filiale Transavia, hein, pour voir leurs avions entretenus à l'étranger. Alors concrètement, comment on fait pour garder des emplois sur le territoire et pour empêcher les multinationales de nous martyriser, de martyriser nos territoires ? Dominique Méda, sociologue. Je pense qu'il faut qu'au niveau de chaque territoire, on ait une idée assez précise des atouts dont on dispose, et il faut organiser les reconversions, qu'elles soient provoquées par la crise sanitaire ou par la crise écologique. Il faut qu'on ait, ça commence à se développer, des cartographies des compétences des personnes, développer sur les territoires des emplois d'avenir. Les emplois d'avenir, c'est notamment tout ce qui concerne les filières industrialo-écologiques, faire des cartographies de compétences et voir presque individu par individu comment on va organiser ces transferts d'emplois. Quand Air France parle de départ volontaire, qu'il n'y aura pas de licenciement, c'est que... Mais c'est complètement faux, parce qu'en fait, si jamais vous ne souhaitez pas partir dans le cadre des départs volontaires, que vous attendez la fin, et que vous refusez des reclassements à Roissy, vous savez, ça ne nous fait pas rêver, nous, Roissy, quand on habite ici. Hein. On est au bord de la mer, les conditions de vie sont idéales. Donc les gens ne partiront pas, ne prendront pas les reclassements, et au final, ça se finira par des licenciements. C'est-à-dire qu'il y a eu des réactions, les salariés qui se sont mis en arrêt, qui étaient quand même dans des dépressions, pardon. On a vu des salariés en pleurs. Quand la direction est venue, elle est venue au milieu des bâtiments, nous annoncer son plan, on a vu des salariés fondre en larmes. C'était rempli d'émotions. On est sur un véritable chemin de crête parce qu'en effet, de très nombreux emplois ont été et vont être supprimés. Et nous devons éviter de faire une relance brune, c'est-à-dire une relance qui n'interromprait pas le flux des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est très compliqué parce qu'on doit faire une reconversion écologique qui passe par une relance verte. Et ça veut dire qu'on doit aller sans doute plus vite que ce qui était prévu pour fermer certains secteurs et en ouvrir d'autres. Alors est-ce qu'on peut à la fois accepter les fermetures de secteurs et les suppressions d'emplois liées à la crise sanitaire et en plus de ça rajouter celles qui sont liées à la reconversion écologique? C'est en effet très compliqué. Dire à des gens qui sont en train de perdre leur emploi ou à des entrepreneurs qui ne peuvent plus payer leur cotisation, leurs salariés, leur dire écoutez, vous êtes bien gentils mais maintenant on va s'occuper de la reconversion écologique, c'est à peine audible. Moi, en tant que salarié, je vis ça comme une injustice. C'est-à-dire que je travaille depuis des années, là, depuis une vingtaine d'années sur ce site, avec des gens motivés, avec un savoir-faire, avec des compétences, avec des gens qui sont toujours investis pour la compagnie Hop. Et du jour au lendemain, d'une façon violente, on nous annonce qu'on ne pourra plus ni vivre, ni travailler en Bretagne. Je dis vivre en Bretagne parce que retrouver du travail ici dans le domaine de l'aéronautique, c'est très difficile, hein, puisque il n'y a pas d'autres entreprises, bon, à part la Sabena à Dinard, mais ça veut dire qu'il faut déménager. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette relance verte et cette reconversion écologique, elles sont manifestement susceptibles de créer beaucoup d'emplois. Il y a eu plusieurs études. Il y a l'annexe du rapport du Haut Conseil pour le climat qui nous dit qu'on pourrait créer 600 000 emplois dans un horizon assez court. Et il y a surtout le rapport du WWF qui nous dit que si on fait une relance suffisamment massive, alors on peut créer 1 à 2 millions d'emplois dans les années qui viennent. Donc c'est ce qu'on appelle le double dividende. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit capable d'avoir véritablement un plan sur 20 ans qui associe à la fois, bien sûr, les entités de l'État, mais aussi les territoires, les partenaires sociaux, pour dessiner la, très concrètement, hein, le chemin qui va nous permettre d'aller de la situation actuelle à la situation où notre économie sera rebâtie. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que Air France, aujourd'hui, ils ont trois fois les capacités de maintenance qu'ils en ont de besoin. Donc c'est forcément, ils suppriment des postes de maintenance. Et on peut le comprendre, on ne peut pas dire à une entreprise de maintenir le dimensionnement si son activité diminue. Ça, il faut aussi l'entendre et le comprendre. Sandrine Lefeur, députée La République En Marche du Finistère. Mais par contre, il faut aussi être aux côtés des salariés, parce que ça, c'est essentiel. Ils ont quand même une vie sur le territoire, une famille, des enfants qui vont à l'école. Et ça, c'est important que Air France prenne conscience de ça et nous aide aussi, et soit à côté des élus, pour soit reclasser les salariés sur le territoire, nous aide dans la création et l'aide aux entreprises sur le territoire, et n'abandonne pas le territoire de Morlaix qui leur a tant donné quand même dans leur activité. Après, vous savez, on est dans un monde où malheureusement, avec la pression des actionnaires, le but c'est de dégager de la marge au détriment souvent de l'emploi. Hein, et même si Air France a l'État actionnaire derrière, on se rend compte que leur modèle c'est le même que n'importe quelle autre entreprise. Hein, Alors, il faut savoir que chez Air France, il n'y a pas que l'État qui est actionnaire, hein, il y a aussi même des fonds de pension. Ben Smith, c'est un anglo-saxon, il a toujours était dans ce modèle hein, capitaliste et son but hein, c'est vraiment de dégager de la marge. Si on aide les entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles sont en difficulté. Elles sont en difficulté, donc elles doivent aussi restructurer leur entreprise. Donc c'est quelque part, voilà, il y a de la perte d'emploi, c'est évident. Maintenant, c'est aussi, je pense que les aides ne doivent peut-être pas toujours être conditionnées à la conservation de l'emploi, mais peut-être à la recherche de la transition et de l'innovation. Parce que dans des conditions comme ça, on peut aussi, grâce à la transition énergétique, écologique et informatique aussi, recréer de l'emploi derrière. Donc peut-être aujourd'hui, les entreprises vont perdre un petit peu d'emploi, remodeler leur entreprise. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'elles se mettent en transition aussi pour l'avenir et que des postes soient recréés derrière. Alors oui, c'est un coup dur à passer, mais c'est pour tout le monde. Enfin, c'est pour tous les secteurs d'activité qui sont impactés. Les salariés, les citoyens doivent aussi se serrer les coudes et faire un effort. L'État est quand même au rendez-vous de par les aides aux entreprises. Donc oui, c'est un moment difficile à passer, ça c'est évident. C'est comme si, à l'échelle de Nantes, qui est une grande métropole fraîche, on faisait disparaître 20 000 emplois. C'est ce qu'on est à l'échelle de notre ville en train de subir. Donc vous comprenez le caractère un peu pesant de l'absence de décision du gouvernement ou qui est pour nous incompréhensible. Vous savez, on est dans le programme Action Cœur de Ville, le grand programme national où on dit on va mettre tous les moyens sur des villes moyennes qu'on a sélectionnées pour les aider à se redynamiser. On ne peut pas d'un côté dire ça et de l'autre côté, quand il y a un employeur qui est directement en lien avec l'État, le laisser faire un plan social, il y a une forme de contradiction qui est indépassable. Et après, on ne va pas venir s'étonner que nos concitoyennes ne se déplacent plus pour venir voter. À un moment, il faut avoir une forme de courage et de guidance politique qui soit la même sur tous les sujets. Ben, on a accepté l'idée dominante qui a été propagée par le patronat, c'est que il fallait laisser les chefs d'entreprise libres, qu'ils savent quoi faire. Henri Sardignac, économiste. Lorsqu'une entreprise est engagée dans une trajectoire catastrophique, les salariés, ils subissent, les collectivités locales, ils subissent et il n'y a pas les moyens de réagir. Un moyen de réagir, ça serait de socialiser, nationaliser l'entreprise et de lui faire repartir sur un pied différent, avec un projet d'entreprise discuté largement, en laissant les salariés, les pouvoirs publics faire un appel d'offres pour trouver des propositions plus intéressantes du point de vue de l'emploi. Et là, effectivement, on accepte de plus en plus l'irresponsabilité du patronat vis-à-vis des licenciements. On est dans un système où on considère que les entreprises n'ont pas à se soucier de l'emploi, se soucient de la rentabilité. Et donc, on voit des entreprises prospères choisir des stratégies qui sont catastrophiques pour l'emploi. Pour ça qu'il faut opposer à ça l'idée que l'entreprise, c'est pas la chose des actionnaires, ça doit devenir la chose de l'ensemble des parties constituantes, les salariés, les usagers et les actionnaires. La situation où les actionnaires décident de tout, c'est tout à fait inacceptable. Le début de la pandémie, enfin en tout cas son arrivée en Europe, a coïncidé avec le moment, la saison des dividendes pour les entreprises multinationales, pour les entreprises cotées sur les marchés. Et donc très rapidement, effectivement, s'est noué un débat public sur mais est-ce que ces multinationales vont verser beaucoup de dividendes alors qu'il y a de très nombreuses aides pour leur venir en soutien. En demandant aux multinationales du CAC 40 de ne pas verser de dividendes, le gouvernement s'est simplement payé de bons mots devant l'opinion publique, mais finalement n'a pas posé de conditions extrêmement dures. Il n'y a pas eu d'interdiction de versement de dividendes. Je crois que certaines entreprises ont quand même fait le choix de réduire ou de ne pas verser leurs dividendes aux actionnaires. Bruno Le Maire en a aussi fait la demande. La députée La République En Marche de Finistère, Sandrine Lefeur. Après, c'est vrai que ce sont des choix d'entreprise. Moi, à titre personnel, je pense que ces entreprises-là n'auraient pas dû le faire durant cette crise sanitaire et auraient vraiment dû jouer le jeu de la solidarité aussi sur les emplois et dans les territoires. Parce que les territoires leur donnent quand même beaucoup. On l'a vu dans les territoires ruraux qui ont été moins impactés par la crise sanitaire. Les entreprises ont pu continuer à tourner, quelles qu'elles soient. Et dans les grandes villes, ça a dû s'arrêter parce que voilà, le contexte était différent. Donc les territoires ont donné beaucoup aux entreprises et je crois qu'elles doivent aussi nous le rendre dans des conditions comme ça. Effectivement, c'est peut-être pour une année ne pas verser les dividendes aux actionnaires. Est-ce que ça suffisait de le demander gentiment comme a fait Bruno Le Maire ? Visiblement non, puisque certaines l'ont quand même fait, d'autres ne l'ont pas fait aussi. On pouvait s'y attendre, non ? Oui, mais c'était un choix d'entreprise. Évidemment, on peut s'y attendre, on peut le regretter, mais c'est aussi un choix d'entreprise. Si ces entreprises-là n'ont pas été aidées par l'État... Ça en se limitant à une incitation orale, par un engagement public, demandant aux multinationales de réduire, voire supprimer leurs dividendes, le gouvernement, Bruno Le Maire, savait très bien que ça allait être assez peu suivi d'effet. Maxime Combe, économiste. Ils le savaient très bien parce qu'ils connaissent comment fonctionnent ces grandes entreprises, comment elles prennent leurs décisions. Et donc là, clairement, chacun savait que l'objectif du gouvernement et du ministre de l'économie consistait surtout à éteindre l'incendie dans l'espace public, à éviter que la polémique sur le versement des dividendes de ces entreprises ne prenne trop d'ampleur, et donc du coup à essayer de simplement tempérer les critiques qui pouvaient être émises sur le fait que ces entreprises allaient conserver un versement de dividendes relativement important. Et donc de très nombreuses multinationales, membres du CAC 40, ont maintenu des dividendes élevés, 8 d'entre elles les ont même augmentés, et donc du coup les multinationales ont fait un peu comme elles voulaient. Pour les entreprises qui ont obtenu un prêt garanti de l'État, la condition est plus explicite, elle est écrite, mais par exemple il y a un contre-exemple majeur, une multinationale française très importante, qui est le quatrième affréteur mondial de marchandises sur le plan maritime, qui est la CMA-CGM. Et la CMA-CGM a à la fois versé un dividende en 2020, plus obtenu un prêt garanti par l'État d'1 milliard d'euros. Les 8 entreprises du CAC 40 qui ont augmenté leurs dividendes sont Téléperformance, plus 26%, Vivendi, plus 20%, Schneider Electric, plus 8,5%, Danone, plus 8%, Dassault Systèmes, plus 7%, Total, plus 4,7%, mais également Sanofi, plus 2,6%, et Air Liquide, plus 1,9%. Ce sont, in fine, des montants qui se comptent en milliards d'euros, qui sont allés rémunérer les actionnaires, alors qu'au même moment, un certain nombre de ces multinationales obtenaient des aides publiques, directes ou indirectes, pour payer leurs salariés ou pour être soutenus sur les marchés financiers via la Banque Centrale Européenne. Les engagements de Bruno Le Maire sont restés effectivement des engagements oraux qui n'ont pas été suivis d'effets. Et on compte aujourd'hui plus de 30 milliards d'euros qui ont été versés par les entreprises du CAC 40. Plastic Omnium, par exemple, est une entreprise qui n'est pas cotée au CAC 40 en tant que telle, mais qui est une entreprise importante en France, notamment parce que son PDG est également le président de l'Association française des entreprises privées, l'AFEP, qui est le principal lobby économique représentant ces grandes entreprises françaises. Et le président de l'AFEP, qui est donc du coup également à la tête de Plastic Omnium, a à la fois maintenu un dividende élevé et fait appel aux aides d'État, notamment au chômage partiel. Et comme il est à la fois le dirigeant de son entreprise, mais également un de ses actionnaires principaux, eh bien, l'essentiel du dividende qui s'est octroyé est allé directement dans ses poches. Dans le même temps, ses salariés étaient donc du coup payés sur fonds publics via le chômage partiel. Par ailleurs, il y a un contre-exemple majeur et extrêmement problématique, c'est que Muriel Pénicaud, qui était alors ministre du Travail, s'était engagée à ce que les entreprises au sein desquelles l'État est actionnaire d'une manière ou d'une autre ne versent aucun dividende. Et quand on regarde dans le détail, il y a de très nombreuses entreprises privées dont l'État est actionnaire qui ont versé des dividendes à leurs actionnaires. Le Conseil des ministres de ce matin, dont nous sortons, a été, vous le savez, consacré à la présentation du plan de relance. Nous venons vous présenter le contenu du plan, désormais officiellement baptisé France Relance. C'est un moment très important dans notre stratégie de lutte contre les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire qui a frappé le monde et la France depuis le début de cette année. Nous, on est très inquiets sur la situation et ce plan de relance. On a vraiment l'impression d'une occasion manquée parce que c'est le monde d'avant en pire. La syndicaliste Sophie Binet. Là, ce qu'on nous explique avec ce plan de relance, c'est que ces 100 milliards doivent permettre de sauvegarder 160 000 emplois. Bon, quand on fait le calcul d'une petite division sur un coin de table, ça veut dire que ça fait 300 000 euros l'emploi. Ça fait cher l'emploi. Je rappelle que si on crée de l'emploi public, c'est 30 000 euros l'emploi, et que l'emploi public répond aux besoins des populations en matière d'intérêt général, que ça soit en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'environnement, par exemple. Donc, dans ces cas-là, on ferait mieux de créer de l'emploi public, ça créerait vraiment de l'emploi, et puis en plus, ça répondrait aux besoins des populations. Donc, une inquiétude, même sur les objectifs affichés, même s'ils étaient tenus, on est sur des objectifs qui sont très très maigres. Le deuxième problème de ce plan de relance, c'est qu'il n'y a pas de conditionnalité ni de ciblage des aides qui vont être captées par des grands groupes qui n'en ont pas besoin et qui vont l'utiliser comme elles l'ont fait pendant le confinement pour restaurer leurs marges et pour continuer à distribuer de la valeur aux actionnaires, avec des choses extrêmement inquiétantes en matière d'emploi, puisque au début de la crise sanitaire, ça a d'abord pesé sur les plus précaires. Et donc, on s'est retrouvé avec des CDD rompus, des périodes d'essai rompues, des contrats d'intérim non renouvelés, etc. Donc, celles et ceux qui étaient les plus précaires ont été les premiers à payer le tribut et le plus lourd tribut. Et maintenant, on se retrouve dans les entreprises à avoir des plans sociaux, des ruptures conventionnelles collectives qui concernent les salariés qualifiés, des ingénieurs, des cadres, des professions intermédiaires, etc. Je pense, par exemple, à Nokia. Je peux prendre l'exemple du technocentre de Renault, de CGG pour ce qui concerne l'exploration pétrolière. Pourquoi est-ce que c'est inquiétant? Parce que ça pose évidemment une question sociale. Mais là, c'est plus ça le sujet numéro un. Le sujet numéro un, c'est l'avenir de la France. C'est que là, on est en train de sacrifier l'innovation et nos capacités à construire le monde de demain. et donc à s'enfermer encore dans un pays de second ordre, voire de troisième ordre, en matière de production, d'une façon générale, et de production industrielle en particulier. Donc on voit qu'on a eu de grands discours sur « on a compris, il faut arrêter sur l'utopie de la spécialisation du travail et de « il n'y aurait plus d'industrie en France ». Tout le monde a dit, toute la classe politique a dit en cœur « on est d'accord, il faut relocaliser ». Et là, quand on regarde la réalité, un, il n'y a aucune stratégie publique collective pour relocaliser, et deux, on a des plans sociaux dans des secteurs stratégiques sur lesquels on coupe sur les capacités de recherche et d'innovation, ce qui nous inquiète beaucoup sur notre capacité à construire l'avenir. Alors comment vous allez, vous, monsieur ? Ah, pas bien du tout, parce que en plus, moi, j'avais été en arrêt de travail pendant un bon moment, et le Covid, le confinement, je ne l'ai pas super bien vécu. Ça a été difficile, et puis apprendre ça à la sortie du confinement, c'est une catastrophe. Vincent, salarié de la compagnie Hop. On a appris que l'État allait prêter 7 milliards à Air France. Du côté KLM, la Hollande prêtait 4 milliards, je crois, donc ça faisait un total de 11 milliards. La perte pendant le confinement était colossale. On sait qu'un avion qui reste au sol, ça coûte énormément d'argent. Ça, c'est pas nouveau. Mais pendant cette période-là, je ne m'étais pas posé la question de me dire qu'ils allaient fermer un site. On s'attendait à ce qu'il y ait peut-être du chômage partiel. C'était éventuellement possible. Pour moi, ça allait repartir. Gentiment, tout doucement, mais ça allait repartir. C'est après, une fois que le confinement était terminé, qu'on s'était remis à travailler sereinement, avec beaucoup d'entrain, pour aller au plus vite, pour remettre les avions en vol au plus vite, que l'on a appris par la presse. Alors moi, j'étais ici à la maison quand j'ai appris ça. C'est Gaëlle, ma compagne, donc, qui était, elle, au travail, et qui a entendu dire par des collègues, apparemment, la presse dit que Hop Morlaix et le site de Morlaix et le site de Lille vont fermer. Alors sur le moment, je me suis dit, non, c'est trop gros, c'est comme ça, ça paraît énorme. Il faut absolument cesser que la totalité du pouvoir soit exercée par les actionnaires, et il faut absolument mettre en place une véritable démocratie dans l'entreprise. C'est une condition sine qua non pour réorganiser les territoires, de donner le même pouvoir à ceux qui apportent leur travail que aux actionnaires. Ça, c'est une proposition révolutionnaire et qu'on commence à entendre de ci, de là. Hein. Il n'y a aucune raison légitime que l'ensemble de ce transfert de capitaux, l'ensemble de ce processus soit fait exclusivement au profit des actionnaires, pendant que les travailleurs s'en prennent plein la figure. Parce qu'eux aussi, on nous dit, l'actionnaire prend un risque. Mais oui, mais le travailleur, il prend pas de risque. Il prend pas le risque de se retrouver au chômage et de plus jamais pouvoir revenir sur le marché du travail. C'était le dernier mardi du mois de juin, c'était la fin de la pause déjeuner, donc tranquillement on regardait le net, les infos, l'actualité, et là on voit un article dans le Télégramme de Morlaix, fermeture du site de Morlaix en 2023. Et ça a été un tsunami, quoi. Enfin, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et on était trois dans le bureau, il y avait encore des personnes en télétravail, d'autres qui étaient en congé, donc il faut se mettre aussi à la place de ces personnes-là qui ont appris la nouvelle derrière leur écran, seul à la maison. Et ça a secoué tout le monde. Quoi. Moi, ça, je digère pas. Je digère pas. Gaëlle, salariée de la compagnie Hop. Enfin, c'est pas une nouvelle qu'on peut lancer dans la presse comme ça sans prévenir avant. Le Covid est un prétexte pour accélérer ce qu'ils avaient déjà en tête. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Et ils sont... Certains encore me disent, mais c'est pas possible, ça va reprendre. Un site comme ça ne peut pas fermer, ça fait partie de Morlaix, c'est historique. Mais malheureusement, c'est pas la première entreprise qui ferme. On a connu la manufacture de tabac qui a fermé. Il y a eu d'autres entreprises qui ont fermé. Donc... ça fait encore un coup dur pour la région. Je ne sais même pas où ils veulent en venir. Donc, à part fermer, se débarrasser de Morlaix. C'est difficile de se projeter sur autre chose, de chercher du travail et de continuer de travailler à 100% aussi en même temps. C'est pas évident de faire les deux. Par contre, on avait un projet et on a été un peu stoppé net. Donc, on a mis notre nom sur un terrain ici pour construire. Donc du coup, c'est vrai qu'on a mis notre nom sur le terrain juste pile au moment où on a appris que ça Morlaix ferme. Ça balaye un petit peu nos espoirs. C'est que les banquiers vont voir Hop sur nos fiches de salaire ou vont savoir qu'on travaille chez Hop et tout le monde connaît la situation de Hop à Morlaix. Donc il risque d'y avoir des réticences pour nous prêter quelque chose. Voilà, il y a tout qui se cumule, donc on espère à un moment donné pouvoir sortir la tête de l'eau et puis on se prend une claque dans la figure. Donc c'est difficile. C'est un beau gâchis parce qu'on avait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne et qu'ils n'ont même pas essayé ou pris la peine de trouver une solution pour essayer de sauver... au moins un morceau de Morlaix. Il y avait Alcatel avant, si vous prenez toute l'origine des usines, il y en avait plein. Il y avait la SAT, toutes ces usines ont disparu. La SAT, là, quand ils ont fermé dans les entiers, mais ici, c'est rien, Nokia, ce qu'ils font comme manif. Là-bas, c'était le bornel, c'est les pneus, c'est le machin. Moi, je me rappelle la tour du CNET, si vous l'avez vu. Enfin, moi, j'ai les CRS qui sont venus, là. Et t'es tout bloqué, les grenades lacrymogènes, ça a pété. Hein. On a lutté ici. Hein. On a lutté pour des classes, des chutes de classe. On a fait des sittings. Il y a eu des pneus brûlés, il y a eu des machins. Il faut regarder tout ça, parce qu'on enlève une carte, tout tombe. Hein. Autrement, la ville, l'essor qu'elle a connu, tout le machin, ça peut tomber. Bernard, technicien télécom à la retraite. Moi j'étais technicien, j'ai pas mon bac, j'ai rien, j'ai aucun diplôme. Mais à cette époque-là, il y a du boulot. On n'avait rien à foutre du diplôme. Je pense que si, la crise sanitaire fait mettre le doigt sur certaines choses, quoi. Sur notre façon de fonctionner, sur la vie et même en général, quoi, philosophiquement, quoi. C'est-à-dire, attends, on n'est que de passage, on va pas foutre le bordel, on va vivre... Comme on dit, il ne faut pas oublier que l'homme a cru être un écosystème. Non, mais ce qu'on apprend, c'est que la vie est fragile. On ne pensait pas être fragile. À votre âge, là, on pense qu'on est immortel. Moi, à votre âge, je pensais être immortel. Non, on n'est pas. On est de passage, on fait un truc, on aide la société, on va bosser pour la société. Et puis, après, c'est d'autres qui arrivent et puis qui ont d'autres choix, d'autres visions, d'autres machins. Et puis voilà. Non, on se relèvera. On se relèvera, ça, c'est clair et net. Maintenant, peut-être avec du dégât. La finalité de la vie, c'est de manger, boire et dormir. Hein. Travailler, c'est pour avoir du fric, pour manger. S'il n'y avait pas besoin, on ne travaillerait pas. Hein. Moi, je serais bien mieux à la pêche. Dans le temps, ils faisaient ça. Hein. Je pense qu'on va changer de vie et je dirais dans un bon sens. Vous voyez, aujourd'hui, on a l'impression que tout converge. Et qu'on est en quelque sorte presque coincé entre la crise sanitaire dont on n'arrive pas à sortir et la crise climatique qui est là de plus en plus présente. Et donc, si on veut ne pas étouffer, ne pas être écrasé, il faut absolument qu'on s'arrête et tous ensemble qu'on se demande où on veut aller, ce qu'on veut faire et qu'on lâche nos dogmes. On est enfermé dans des dogmes notamment économiques absolument délirants et il faut absolument rompre avec ça. La sociologue Dominique Médard. Cette crise est une opportunité parce qu'elle nous montre que nous devons changer maintenant le plus vite possible, que nous devons bifurquer. D'abord, une idée de conversion intellectuelle. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas rester dans le paradigme qui nous a été légué par la modernité. Les humains sont placés face à la nature et la nature est là pour servir nos fins et nous pouvons la mettre en coupe réglée autant que nous voulons. Je pense qu'on a à sortir de ce paradigme de la conquête et de l'exploitation pour mettre en place un paradigme du prendre soin. Mais ça veut dire que nous devons réviser tous nos cadres cognitifs. Et chacun le sait, depuis 30 ans que nous suivons ces politiques économiques favorables aux intérêts privés. Et la politique qui est menée aujourd'hui, c'est de tenter de sauver le secteur économique au plus près de ce qu'il était avant la pandémie. Or, on se souvient que pendant toute la durée de la pandémie au printemps, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, pendant toute la durée de la pandémie au printemps, n'ont cessé de se multiplier dans l'espace public, y compris de la part d'Emmanuel Macron et du gouvernement, des appels à transformer profondément notre économie pour la rendre plus résiliente aux chocs externes, pour la rendre moins dépendante des marchés internationaux, pour la rendre plus écologique, pour la rendre plus sociale, pour défendre les services publics. Et là, on voit le décalage qui peut exister entre ce discours général, auquel finalement beaucoup de monde pourrait adhérer aujourd'hui, toutes les études d'opinion le montrent, et la réalité de la politique économique assumée par Bercy et le gouvernement, qui a été la simple mobilisation des ressources et des financements publics pour tenter de sauver les entreprises privées telles qu'elles existaient avant même la pandémie, sans en changer le modèle ou leur organisation ou leur politique de rémunération et d'investissement. Ça a été un grand moment de défoulement où on a en effet imaginé un monde radicalement différent et on a pensé que la crise sanitaire, ça allait être vraiment le moment de basculement. Et puis alors, quelle déception, quelle immense déception. Mon rêve, c'était que l'on prenne conscience de l'énorme vulnérabilité de nos sociétés et qu'à partir de là, voyant dans quel état d'impréparation on était, voyant ce que la crise sanitaire nous avait fait subir, nous nous disions, d'accord, on a compris, il y a derrière une autre crise qui arrive, la crise climatique, qui est déjà largement engagée, et donc on a bien compris, on va faire le grand renversement, la grande bifurcation. Et le président de la République nous a laissé penser que c'était peut-être possible, cette grande bifurcation, hein, en nous disant qu'il fallait entrer dans un moment de rupture. Bon, et quelle immense déception. Je pense que c'est, dans la tête de nos dirigeants, trop compliqué de changer les choses. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que nos dirigeants, ils arrivent emmaillotés dans des dogmes très rigides. Tous nos dirigeants qui sont passés par l'ENA, alors je ne vais pas dire de mal de l'ENA, hein, j'en suis moi-même issue, mais à l'ENA, on se fait quand même injecter dans l'esprit des dogmes, notamment en matière économique, des dogmes qu'on pourrait appeler quand même néoclassiques et néolibéraux, qui s'enracinent puissamment dans l'esprit des jeunes dirigeants. Et donc, je pense que même la brutalité de cette crise ne leur a pas permis de se débarrasser de ces carcans idéologiques. Et c'est quand même très dommage, parce que s'il y a eu un changement majeur, c'est bien celui que nous avons vécu avec cette crise sanitaire. C'était les entreprises après la Covid. Plans sociaux quand la Covid a bon dos. Par Rémi Dibowski-Douatte. On nous laisse comme ça, on nous balance le projet et puis démerdez-vous. Or, en dehors de ça, nous, on a rien. On n'a pas de soutien, on n'a pas de support. Alors si, il y a la cellule psychologique, il faut appeler le 0800 je sais plus quoi. Et puis, c'est pas... Voilà, ils se désintéressent humainement, ils se désintéressent à nous. Abandonner, franchement, abandonner, laisser pour compte. Voilà. C'est un pion parmi d'autres. Avec Maxime Combe, Bernard, Sébastien Grandjean, Jean-Paul Vermeaux, Dominique Méda, Sandrine Lefeur, Henri Sterdignac, Sophie Binet, Gaël et Vincent. Prise de son, Benjamin Thuot. Mixage, Antoine Biossa. Réalisation, Franck Lilin.